uno toca pa' que no se ome. Se hizo a Gucci, a Beckham y su demonio. Se hizo a Nexot, a Beck, Necklace, Sweet. Malice was Boogie, avec Boogie. Boogie propose Malice, avec Malice. Oh, tout monde lele, lele, lele. Malice avec Boogie, mêlé tout monde. Mon copain Boogie dit je suis jeté. Mon copain Malice il va promasser. Je suis jeté. Mon copain Malice, il va prendre ma sœur. La la la la la la la.